Time by my expression, even my sign, and time in my expression, my soul one, and time in my submission, even side my, and time in my submission, myself to one. Ces rythmes. batteur infatigable, batteur. Compo. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. sur ses concerts de hard rock. Le mec à la batterie, il est drogué. Double pédale du début du concert jusqu'à la fin du concert. Et t'as envie de lui dire stop, ah, arrête avec ta double pédale, arrête, tu casses les couilles avec ta double pédale, merde. Parce que les mecs, quand ils ont mis une double pédale, c'est fini. Après, ils connaissent que ça. J'ai dit stop. J'ai dit stop. J'ai dit stop. C'est quoi ça, tu vois? Des fois, il y a des gens qui viennent sur le long, mais ils restent pas. R&B groove. R&B groove. Du R&B. Amen. Amen? Pourquoi c'est pas l'amen? Ça marche pas. Pas mal ça. We'll be right back. ça vient, Philippe. Alors là, maintenant, c'est le même, c'est Rock Floor, Tom. C'est pas le bon rythme. On n'est pas sur le bon rythme, hein. J'ai commencé sur le bon rythme. Thank you. je vais arrêter les conneries. Bien écouter. Je fais une pause. De toute façon, je vais aller bouffer. Vas-y, joue, vas-y. Au revoir. Le son de Brian May. C'est pas mal ça. Attends, essayez de le rejouer pour que tu le... le tempo. Ouais, bouge pas, bouge pas. Merde. 1, 2, 3, 4, 1. Putain, c'est à 100, au moins 155. On va essayer... J'arrive pas à trouver le bon tempo, putain. Philippe, t'as pas de la batterie? T'as pas une batterie, Philippe? Elle est merdique, celle-là. Putain, je trouve pas.